loin au fond de mes racines, je bois et je me saoule, près des sources latines, là-bas la musique coule et tourne en rond. Marron, couleur, moisson, marron, odeur, saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui tourne en rond, qui tourne en rond. Sous les feux de la lune, je brûle mon âme indienne. Ont des plumes là-haut, je vis ma vie de bohème et tourne en rond. Marron, couleur, moisson, marron, odeur, saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui tourne en rond. Marron tourne en rond. Marron, odeur, saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui tourne en rond. Marron tourne en rond. Marron, couleur, moisson, marron.